La Corée remporte tous les jours de grands succès dans le relèvement des régions septentrionales sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. À l'arrondissement de Gyeonghun, on a achevé la construction des maisons d'habitation de 211 foyers et à la ville de Faerong et à l'arrondissement de Gyeonghun, la construction des maisons d'habitation de plus de 2000 foyers touche à sa fin. Dans les régions sinistrées, on a achevé complètement le charpentage des habitations en un peu plus d'un mois. Le plâtrage et les travaux de construction des intérieurs et extérieurs des bâtiments sont poussés énergiquement. Il en est de même pour la construction de plus de 80 écoles, jardins d'enfants et crèches. On a reconstruit les voies ferrées des régions sinistrées à plus de 70% et achevé le rétablissement des réseaux d'électricité et de communication.